est un crime. Tu m'as victime, trop de sons clonés, je supprime. Tu sais pourquoi je trime. Mon rap est un mac, tu es ma pute, je te pine. Ma claque est sublime, de la Starac, je t'abîme. Ne conteste pas, ne me teste pas. Trop de héo, et je baisse les bras. Je reste là, entre l'instru et la rime. Pose tes vers qui t'animent sur un son qui m'affirme. Hardcore under, qu'est-ce que tu baisses pas. Et pour ça ta veste, gars, tu la tournes. Explicite musique pour les MC que j'en fourne. C'est le déficit total, trop se détourne. Le darkness sublime, la graine sort des champs de mine et non des champs de roses. Wazer, Darken, arrive l'apothéose. Du cœur, de la haine, de style on t'arrose. Tu pleures ta peine, le darkness s'impose, s'expose. Le darkness implose, t'explose. On te propose une surdose d'adrénaline. Une cirrhose de rime, pour le rap c'est un crime. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. On éclate les scores, les pattes, les pitres et braques. Le hit parade apporte des litres de flow et vite. Et le titre si t'as pas le niveau, tu piches, ça vient du 13. On se fit des packs de 16. Et des beats sont pit à l'aise. Donne-moi du shit et j'suis balèze. Et tout ce hit est fait malaise. Doser, le Wazer arrive ici rempli de savoir pour s'interposer. Causer des dégâts, m'opposer à des gars. Doser mes débats, épauler tous mes gars. MC côté 3, psychoté c'est le sang chaud. Sans m'y tourner, on va te pilonner si tiens faux. C'est pas pour les pétards. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore. Je remets en cause mon but, le hip hop un culte. Pour les miens, ceux qui luttent. Pour ceux qui débutent, pas pour les putes. J'affûte mon style au fil des années. Tu chutes, je chante si tu brutes pour te canner. Minute, je scrute le terrain, jamais je bute. En but, les faux MC de leurs mains qui tiennent le mic, je bute. Track après track, c'est des balles qui te percutent. J'exécute ma tâche et me bats pour mon but. Écoute, j'entends trop de faux venus de la radio. Des comiques qui font du fric grâce au rap, ça craint. C'est le trafic de l'industrie du disque. Cette musique, c'est pas pour les gamins. Prends-moi par la main, je te présente. Blender, sa musique et son odeur, hardcore dans les profondeurs, mon boy. Bienvenue, bienvenue, bienvenue, c'est du hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap, hardcore. Ok si tu sales rap hardcore. Ok si tu sales rap hardcore. Ok si tu sales rap hardcore. Ok si tu sales rap hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales rap hardcore. Ok si tu sales rap hardcore dans ta baraque. Ok si tu sales